Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion professionnelle, une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Alors, voici donc ce nouveau numéro de l'instant présent. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de plus en plus de personnes, la reconversion professionnelle. Que vous soyez en quête de sens, en plein doute sur votre carrière ou simplement curieux de découvrir comment réussir un changement professionnel épanouissant, eh bien cette émission est faite pour vous. Et pour en parler, bien évidemment, fidèle au poste, eh bien donc Dorothée Lacroix, sophrologue. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en pleine forme. Oui, pour parler bien donc sûr. Justement de reconversion professionnelle. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi. Alors Dorothée, est-ce que travailler, c'est trop dur? Est-ce que finalement, le travail, c'est toujours une contrainte? Ah bah oui, le travail, c'est pas que du plaisir, même si... Bien sûr, on peut trouver de la satisfaction dans son travail, mais ça reste un travail. Mais on peut s'épanouir parfaitement dans le travail et justement, eh bien, certains envisagent justement une reconversion professionnelle. D'après une dernière étude, près d'un actif sur trois envisagerait justement une reconversion professionnelle parce que justement, le travail, c'est une contrainte plutôt qu'un plaisir, oui. Alors que le bonheur au travail, ça existe. Oui, bien sûr, mais tu c'est le connais, différent. Toi, maintenant. Oui. Alors pourquoi donc quelles sont les raisons qui poussent à changer de voie? Alors, il y a différentes raisons de motivation. C'est vrai que celle qui ressort de plus en plus, c'est, on parle des valeurs, c'est être en phase, aligné avec ses valeurs et trouver du sens à son travail. Ça peut être aussi l'envie d'apprendre à nouveau, un nouveau métier. Ça peut être aussi une erreur de parcours, on peut s'être complètement trompé de voie. On peut aussi avoir envie de devenir indépendant pour avoir plus de souplesse. On peut aussi avoir une surcharge de travail et des déplacements dans son poste actuel qui font que bah voilà, il y a une fatigue, un épuisement qui peut s'installer. On peut avoir aussi comme motivation l'augmentation de sa rémunération financière. Aussi s'adapter à des contraintes familiales. Si, par exemple, bah, on est aidant, c'est une question qui arrive aussi de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus d'aidants. Ça peut être aussi vouloir changer pour des raisons de culture dans le secteur dans lequel on travaille, ou changer aussi voilà, par rapport à la façon dont on est managé, le management de son entreprise qui peut-être ne nous convient pas. Et puis, donc, on le disait, s'épanouir dans son job, avoir de nouveaux challenges. Et aussi parce qu'on s'ennuie. Ça peut arriver de s'ennuyer au travail. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le bore-out. Burn-out. Non, le bore-out. Ah oui, le bore-out. Et donc, il existe également le burn-out, c'est-à-dire exactement. La perte de sens. Ouais. On ne sait pas pourquoi on est présent au travail le matin. Oui, c'est ça. C'est burn-out, c'est la baisse de tension. C'est une perception que son travail est devenu inutile. Perte de sens, de motivation pour les tâches qui nous sont confiées. Tout à fait. Et donc, beaucoup de personnes se lancent donc dans une reconversion sans avoir pris le temps, finalement, de se poser les bonnes questions. Alors, par où commencer? Et avant d'engager donc un bilan professionnel, donc, ce bilan professionnel semble s'imposer pour nous aider à y voir plus clair. Et je crois qu'on a un témoignage. Oui, de tout à Justine. Fait. Nous avons une invitée aujourd'hui qui a donc fait une reconversion il y a à peu près 4 ou 5 ans. C'est elle qui va nous en parler. Donc, on vous présente Justine Cresson. Et voilà, si tu veux te présenter, Justine. Donc, je m'appelle Justine, je suis infirmière aujourd'hui, mais avant d'être infirmière, j'étais manager dans le domaine de la finance. Et effectivement, tout ce que vous avez évoqué avant me parle. Donc, moi, c'est vrai que je me suis vraiment posé la question un jour, mais pourquoi j'agis ? J'étais dans l'engrenage des promotions, des évolutions professionnelles et je pense que j'avais oublié le sens de mes fonctions. Et un jour, j'ai raisonné différemment en me demandant plus qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise, mais plutôt qu'est-ce que l'entreprise m'apporte. Et donc, c'est à ce moment précis que la quête de sens a émergé pour moi et donc ça a généré un vrai conflit de valeurs. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je me lance dans une reconversion professionnelle. Mais avant, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions et je pense qu'il y a des questions qu'il faut se poser, d'ordre personnel tout d'abord, à savoir quelles sont les raisons qui me poussent à partir, qu'est-ce que je veux et surtout qu'est-ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que je recherche, comme l'a évoqué Dorothée, est-ce que c'est du salaire, est-ce que c'est un confort de vie, est-ce que c'est un sens à mes fonctions, est-ce que c'est un emploi du temps qui s'adapte à ma vie de famille, quelles concessions je suis prête à réaliser, et enfin quels sont mes soutiens familiaux, financiers, parce que c'est aussi à prendre en compte dans une reconversion professionnelle. Et une fois qu'on a étudié toute la sphère d'ordre personnel, je pense qu'il faut aussi se poser la question au niveau professionnel, quelles sont mes compétences qui sont transposables et quelle est la formation que je vais devoir réaliser. Voilà. Ouais, tout à fait. Et pour ça, on peut effectivement se faire aider. Est-ce que ça a été ton cas ? Oui. Alors, pour ma part, je me suis fait accompagner par l'APEC, qui est l'Association pour l'emploi des cadres. Voilà, j'ai réalisé un bilan de compétences. Ce bilan de compétences, il m'a permis de vraiment creuser, à titre personnel, quelles étaient mes compétences transposables, quelles étaient... pourquoi j'étais destinée, en fait. Et c'est vrai que le milieu de la santé est ressorti... énormément et donc du coup j'ai pu faire une immersion dans le métier d'infirmière sur une demi-journée et voilà, et quand j'en suis ressortie je me suis dit bon bah j'ai pas de doute et ensuite il y a eu toute la présentation des dispositifs en région et d'accompagnement sur la partie financière, voilà, bah, ce à quoi je peux prétendre, quelles démarches je peux effectuer, et pour moi ça a été un réel appui. Ouais, c'est vrai que se faire aider dans ces cas-là, ça permet d'être plus serein et puis de confirmer aussi ses choix, comme tu le disais, ne plus avoir de doute, parce que le doute, on va en parler après, c'est quelque chose qui est très présent dans une reconversion. Tout à fait, il y aura des blocages qu'on évoquera dans la deuxième partie donc, de l'émission. C'est peut-être faire une petite pause donc, musicale en écoutant justement une chanson qui évoque cette reconversion. Est-ce que vous connaissez bien sûr la chanson de Jean-Jacques Goldman, donc Il change la vie. Ah bah oui. Hein, un hommage au métier, ouais. Voilà, tous ces métiers qui transforment le quotidien, et une belle réflexion justement sur l'impact de son travail sur les autres. Hein. Mm-hmm. Ça rejoint tout à fait les propos donc, de Justine. On se retrouve donc tout de suite après cette pause musicale. Particulier dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Un tout petit bonhomme, mal habile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile ni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il imite en temps de l'armée de douleur, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris. Voilà, c'était donc Jean-Jacques Goldman, donc il changeait la vie. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est donc le moment donc de retrouver donc l'instant présent. Donc l'objectif donc est de vous proposer donc une réflexion sur votre développement personnel sous forme de conseils pratiques. Et ce mois-ci, on retrouve donc Dorothée, mais également une invitée qui est donc Justine pour parler donc de reconversion professionnelle. Alors après avoir évoqué les motivations et les démarches à entreprendre dans le cadre d'un projet de reconversion, abordons justement les blocages et les moyens de donc les surmonter. Alors, quelle peur, quelle croyance limitante m'empêche finalement de me lancer ? Justine, est-ce que vous avez été confrontée à ces peurs ? Alors oui, moi c'était la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Donc c'est vrai que pour le coup, je sortais d'un domaine que je maîtrisais pour un domaine qui m'était totalement inconnu, la médecine, la santé. Impliquait 3 ans d'études, j'avais peur de l'échec, peur de ne pas réussir à intégrer les cours. Et c'est vrai que je pense que c'est pas évident de sortir de sa zone de confort et c'est quelque chose à prendre en compte. Repartir à zéro, voilà, c'est pas évident. Mais j'ai cassé mes peurs par des objectifs concrets et réalisables. C'est-à-dire que j'ai fait une planification qui était très claire sur ma façon de travailler. Je pense que j'ai aussi engagé mon conjoint et mon environnement familial dans une organisation qui était très définie. Ça m'a permis en tout cas de tenir les 3 ans d'études. Ouais. Parce que vous avez été courageuse de reprendre des études. Oui, c'est vrai que la reconversion de Justine, effectivement, il y a une reprise d'études. Et c'est vrai que ça, on l'observe, enfin, on peut le voir, mais c'est très courageux. Parce que 3 ans, en plus, dans un domaine qui n'est pas du tout équivalent à ce qu'elle faisait avant, c'est vrai que ça peut être très doutant, quoi, voilà, clairement. Alors, cette reprise d'études, vous l'avez fait en formation classique ou en alternance, je ne sais pas ? Non, en formation continue, sur 3 ans, avec 35 heures de cours par semaine, des stages. Vraiment, j'étais avec des étudiants de 20 ans. Donc, c'est certain que l'apprentissage à 40 ans, c'est plus difficile qu'à 20 ans, mais je pense que la maturité et la volonté, c'est des réels atouts dans une reconversion. Parce que quand on est prêt à tout remettre en question, à repartir à zéro et à engager la famille, pour moi, c'est vraiment gage de motivation et d'engagement, en tout cas. Ouais, parce que finalement, on se dit qu'on n'a peut-être pas forcément le droit à l'échec parce qu'on a tout remis en cause. Et donc, voilà, c'est clair que la motivation, elle est différente qu'à 20 ans. Oui, et puis passé un certain âge, on a davantage de doutes hein, sur ses capacités. Et puis, quelquefois, il est difficile de se reconvertir dans certains secteurs. Hein. Ouais, donc là, sûr. Ça suppose, effectivement, si on veut être infirmière, de reprendre forcément les études. Des études, hein, ouais. Donc, ça peut créer, donc, effectivement, des blocages. Vous avez réussi à les surmonter, donc félicitations. Et d'ailleurs, elle a réussi brillamment. Hein. Je crois qu'elle était majeure de promo, me semble-t-il. Ah, c'est non, là. Je ne sais pas, mais en tout cas... C'est là qu'on voit la motivation, quand il y a la motivation... C'est là qu'on peut dépasser effectivement beaucoup de contraintes. Alors justement, comment donc transformer des doutes en opportunités ? Il faut se poser quelques questions, notamment quelle est la pire des choses qui pourrait arriver si j'échoue pour me se rassurer peut-être, non ? C'est-à-dire comment je vais gérer l'anxiété ? Alors, c'est vrai que l'anxiété, elle va être très importante parce qu'elle va être très présente dans l'anxiété, souvent on le voit de façon négative. Mmh. D'accord ? Bon, l'anxiété, c'est quoi ? C'est je vais anticiper éventuellement ce qui pourrait se passer et de façon plutôt négative. C'est une peur projetée sur des choses qui pourraient se passer. Mais l'anxiété, elle peut être aussi moteur si elle ne devient pas pathologique. C'est clair que si elle me paralyse, bah, elle ne va pas me faire avancer. Par contre, si c'est une anxiété qui est plutôt maîtrisée, saine, eh ben, effectivement, elle peut aussi me mettre en mouvement pour me permettre, comme le disait Justine, de réaliser les objectifs étape par étape et d'avancer vers, vers ce qu'on souhaite, en fait. Mmh. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez donner un exemple, Justine, d'une étape que vous étiez fixée au départ, qui vous a aidé à avancer ? Ben, y a déjà eu l'intégration à la formation, parce que, bon, après, moi, c'était dans des circonstances de Covid, donc, mais il y avait effectivement un dossier motivé, un concours, donc c'était la première étape, c'était d'intégrer l'école que j'avais choisie. Mmh. Donc j'avais choisi une petite structure sur Nancy, il y avait plusieurs écoles, mais je voulais avoir un petit cocon familial pour réussir, et donc du coup, ça a été mon premier objectif. Ensuite, le deuxième, voilà, ça a été de ne pas aller à des rattrapages. Voilà, c'est tous des petits objectifs au cours des 3 ans de scolarité qui m'ont aidée, en tout cas. Après, j'avais mis la barre assez haute, c'est vrai. mais voilà, j'y allais par étapes et c'est ce qui m'a permis, en tout cas, d'y arriver. Après, j'ai eu des moments de doute. Je me souviens en deuxième année où je me suis dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Je pense que c'était un moment peut-être de fatigue. Je ne voyais pas le bout. Où je me suis dit « Mais pourquoi je suis sortie de ma zone de confort ? J'avais tout. Je remets tout en question. » Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions et se rappeler pourquoi on a fait ce choix, en fait. Ouais. Ne pas par confort ou par... par matérialisme, se dire voilà, je retourne à ce que je sais faire, mais pourquoi j'ai choisi de faire ça et ne pas sortir de cet objectif. Très bien. C'est ça, c'est de rester aligné, parce que souvent on pense que le plus dur, c'est de sauter le pas. Mais c'est pas vrai, c'est l'après qui est dur. Le pendant et l'après. Parce qu'en fait, effectivement, une fois qu'on est lancé, bah, y a d'autres doutes qui s'installent, qui sont plus les mêmes. Et effectivement, on peut avoir ces coups de mou à un moment de se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» et de remettre en cause un peu les choix qu'on a faits. Et je pense qu'effectivement, comme le dit très justement Justine, c'est de rester aligné avec ce qui nous a fait nous orienter, notre boussole en fait, hein, par rapport à nos valeurs, ce qui nous a fait nous orienter vers ces choix-là. Et que même si c'est difficile, ben, faut s'y accrocher, parce qu'à un moment, la situation se débloque. Exactement. Et il n'y a plus de doute, quoi. Très bien, donc on va passer maintenant à notre deuxième coup de cœur musical avant de terminer donc sur les dispositifs d'aide pour accompagner justement les candidats à la reconversion. Alors je crois que Dorothée, tu es une fan de Vianney ? Non, pas vraiment. Non, vrai. Non. J'aime bien Vianney. Mais bon, celle-ci, c'est vrai que je l'aime bien. Oui ? Voilà. Donc c'est la chanson « Je m'en vais ». ».« Je m'en vais », bon, on écoute tout de suite donc Vianney. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Il tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, ou diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Sur mon front, gouttes de pluie, gouttes de froid. Donne des ailes, donne don, l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Voilà, c'était donc Vianney avec la chanson « Je m'en vais ». Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Allez, donc, dernière partie donc, de l'émission de l'instant présent consacrée à la reconversion professionnelle avec bien sûr Dorothée Lacroix, sophrologue, mais aussi donc, Justine qui nous accompagne pour cette émission. Alors justement, donc, pouvez-vous nous expliquer quelles sont, donc, Justine, les aides financières auxquelles vous avez eu recours pour vous accompagner dans votre reconversion ? Alors, par l'APEC, j'ai découvert donc Transition Pro et donc du coup le dispositif démissionnaire Macron, enfin on l'appelle comme ça, qui en fait permet d'avoir droit aux allocations chômage dans le cadre d'une démission si on présente un dossier qui est motivé. Donc on passe devant une commission de votre transition pro, on présente le dossier avec nos motivations, pourquoi est-ce qu'on fait ce choix, il y a tout un état sur la carrière, le poste, et si la commission valide notre projet de reconversion, ça nous ouvre droit au chômage pendant 2 ans. Voilà, donc moi j'avais présenté ce dossier qui a été accepté parce que je ne savais pas si j'allais réussir à négocier une rupture conventionnelle qui donc du coup pour le coup j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Donc là la rupture conventionnelle ouvre automatiquement droit au chômage, mais en tout cas pour les gens qui ne sont pas certains d'obtenir une rupture conventionnelle, ils peuvent disposer de ce dispositif. Voilà. Ouais, et la démission Macron, alors il faut savoir que c'est pour les salariés du secteur privé et c'est valable dans le cadre de création d'entreprise ou de reprise de formation, reprise d'études. Voilà, donc il y a tout un dossier à compléter. Après, ça passe en commission et c'est la région qui accorde les dossiers. Très bien. Donc tous ces outils-là donc, vous ont permis donc, de franchir le pas et donc un bilan plus que satisfaisant pour vous. Oui. Ah, donc oui. Ça fait combien d'années alors que vous avez... Eh bien là, ça fait 2 ans. Oui, ça fera 2 ans cet été que je suis infirmière. Et voilà, je ne savais pas quelle infirmière je souhaitais être. Ça se définit naturellement, en tout cas au fil des années, là, des mois. Ça évolue encore. Une chose est certaine, c'est que je suis à la place où je dois être. D'accord. Et vous travaillez dans quelle structure ? Je travaille dans une maison de retraite, dans l'agglomération de Nancy par choix. Voilà, parce que moi, les personnes âgées, l'accompagnement de fin de vie, c'est vraiment un choix. Très bien. Et est-ce que vous envisagez peut-être à terme de devenir, par exemple, infirmière libérale ? Oui, c'est possible. Ça peut être aussi un autre projet, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, là, c'est possible, mais pour l'instant, vous allez par étapes. Voilà, j'y vais par étapes et ça s'associe très bien avec ma vie de famille. Donc j'adore la structure dans laquelle je travaille, donc je ne suis pas prête à partir. Très bien, en tout cas, félicitations pour votre belle reconversion. Alors donc, pour terminer donc, l'émission, j'ai l'habitude donc, de parler donc, de citations inspirantes qui font du bien. Hein, donc Dorothée, donc, tu vas partager à nos auditeurs une citation qui est en lien avec la reconversion professionnelle. Oui, alors moi j'aimais bien celle d'Arthur Ashe, qui est un joueur de tennis, je crois, qui dit « Commence là où tu es, utilise ce que tu as et fais ce que tu peux ». Très bien. Justine, je crois que vous avez également une citation. Alors oui, c'est une citation que j'avais transmise sur les réseaux sociaux le jour où j'ai annoncé mon départ. Et donc, j'aime beaucoup la reprendre. Donc, c'est « Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. » Oh, très joli aussi, hein. Exactement, ouais. Il faut souvent y repenser à ces citations. Ouais. Et dans les moments de doute, moi j'aime bien ces citations qui disent « Tout est difficile avant de devenir facile ». Ça, ça peut aussi aider quand on a des coups de mou, en se disant « Ouais, c'est difficile, mais par la suite, on atteindra effectivement un bel objectif ». Ouais, tout à fait. Et pour donc terminer, quelques références d'ouvrages pour prolonger donc cet entretien sur la reconversion professionnelle, Dorothée. Ah ben, des livres sur ça, maintenant il y en a à l'appel, hein. Il y a des témoignages... Ça dépend ce qu'on cherche. Ça peut, si on cherche une inspiration, une méthode, témoignage ou des bilans de compétences. Le grand classique qui ressort souvent comme la référence en matière de recherche de sens et de réorientation professionnelle, c'est « What color is your parachute ?» Désolée pour mon anglais. Hein. Donc de Richard N. Bowles. Alors il est très complet avec des exercices pratiques. Et justement, moi je l'aime bien parce qu'il permet d'identifier ses valeurs et ses talents. Parce que je ne vois pas une reconversion sans travailler sur ses valeurs, en fait. Mais en tout cas, merci donc, Justine, de nous avoir accompagnés, Dorothée et moi, donc, pour cette merci émission pour l'invitation. De l'instant présent. J'espère effectivement que cette émission donc, vous a plu. Alors, si vous avez pris donc, l'émission en cours, n'hésitez pas à retrouver donc, le replay sur le site de Radio Fadjet. Il est disponible, ainsi que toutes les émissions que nous avons donc, pu enregistrer avec Dorothée tout au long de ces mois. Eh bien, Dorothée, on se retrouve le mois prochain bien sûr. Un nouveau donc, numéro de l'instant donc, présent. Mm-hmm. D'ici là, passez donc un excellent moment et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.